1. Il faut faire des travaux dans cette salle de bain. Regarde, la baignoire est toute usée et les murs sont vieux. Je la trouve horrible. 2. Quel bel appartement! Quelle magnifique décoration! Ça fait très moderne. Les pièces sont immenses. Je pense que c'est une bonne affaire. 3. Cette maison est charmante, mais la cuisine et la salle de bain sont trop petites. Finalement, je pense que je ne vais pas l'acheter. 4. J'ai trouvé un petit studio juste à deux pas du centre-ville. Il est vraiment sympa. Bon, les meubles sont classiques, mais ce n'est pas grave. Je le trouve vraiment sympa. 5. Il y a une annonce pour une colocation. C'est dans un appartement de 90 mètres carrés. La chambre à louer est spacieuse, mais la déco est rétro. Ça fait vieux. 6. Regarde ce séjour. Cette pièce est vraiment originale avec ses murs en pierre. J'aime bien son style rustique.